Je m'appelle Shen, je sème la haine et la panique à Grestik. Connard, reste dans ton trou. Moi, je bute les bouffons. Me pousse pas à bout, Bâtard. Je porte la rage en moi. C'est comme ça que je l'évacue. Le problème, c'est que tu fais peur à tes petits camarades. Ah ouais? C'est parce que c'est une pauvre bande de blancs-bec pleurnichard. Je voudrais pas te faire de la peine, mais toi aussi, t'es un blanc-bec pleurnichard. Si vous le dites. Shen, si on t'a demandé de venir me parler, c'est qu'on a peur que tu passes à l'acte. Mais non, je vais pas buter tous ces bouffons. L'école, le système scolaire, pour moi comme un vol. Je te jure, à des années-lumière de leur heure de colle. Là-bas, je déconne, sans avec les cônes, je décolle. Des fois la cantine, ça picole, mais moi je sniffais pas de colle. Peut-être, sur certains points, ils m'ont niqué, mais m'ont jamais influencé. Jamais ils m'ont formaté à leurs idées. Pourtant, je m'y suis accroché comme une porte de sortie. Il n'y a pas que les résultats, faut aussi le bon esprit. Là-bas, j'ai appris, pourtant aujourd'hui, je parle de ma vie. Pas d'Arlix, ce que j'ai à dire, c'est pas l'école qui me l'a transmis. J'ai des doutes sur système, quasi bestial, ou comment les moutons deviennent loups quand ils ont pigé. La spirale progresser. Ils ont voulu m'en empêcher, me jugeant trop bavarde, trop rebelle, trop excité, même malmenée. Je me suis battue comme une effrénée. Ça les a déçus et c'est pour ça que je viens me venger. Comme j'ai mal d'avoir été si patiente à ta peau morale. Quand j'y repense, j'ai eu des plaintes au cul et des avertissements. J'ai tagué tous les murs de leur établissement sous contrat, soumis aux lois de leur diktat, interdite en cours de langue, première transport et en chant. J'écoutais Booba dans les escaliers du bâtiment C. Je les ai rendus fous, c'est vrai, j'étais trop ambiancé. Mais j'avais le niveau, juste le strict minimum. Et en français, je dégomme les dissertes surveillées par la pionne. Alors malgré leurs remarques, font bout sur mes bulletins. Je suis resté croyant avoir quelque chose à prouver à quelqu'un. En somme, des bêtes de somme, nous sommes. Maintenant je demande à parler sans me faire point de vue qu'on m'entende. Être en retrait, ça paye pas, faut être corda, ça paye pas. L'appareil fait pas distinction, se fixe sur l'accent, la diction. Et tu veux savoir, c'est la grande arnaque qui mitraille. Parce que la désorientation fait très bien son travail. Ça les a fait chier que j'aille en général. Mais soyons honnêtes maintenant, ça sert à que dalle. Pendant que toi tu bossais pour un prendre à taf, moi je bossais pour me faire traiter de feignasse. Avec le dossier que j'avais, j'ai aucune chance de m'en tirer. Ils prennent à la fac, puisque là-bas tout le monde s'en tape. Je taille pas, je me plains pas, je constate. Parce que c'est rentre dans la norme où on t'éclate. Mais moi je t'éclate, si ça m'énerve, je te mets des claques. Demande au prof de maths, jamais plus il me dira que je suis faite pour être en cage. Ou à l'école, faut y aller, y rester, mais faut savoir s'orienter. Moi du système scolaire, ils m'ont dégoûté. Et à mes gosses, je leur dirais que l'école c'est plus important. Mais je leur dirais aussi que les profs te laissent dans le vent. Dans mes lyrics, un goût amer, déception dans les yeux de ma mère. Rien d'original dans mon texte, la vision de ce contexte. J'ai tenté ma chance, mais considéré comme une cancre, je viens pour dénoncer cet acharnement à outrance. Qu'on arrête, pousser les motivés vers des portes fermées, faire des leçons d'éducation qui datent du siècle passé. L'école n'est plus adaptée, faut calmement s'y intégrer. Et bien plus perdu que moi, il serait temps de l'accepter. Aujourd'hui, je fais le bilan, mais en vrai, il est trop tard. Quel métier me direz-vous? Paraît-il un vrai cauchemar? Pas autant de decks turbans ou tout le temps dans les couloirs. Quand ton cahier de correspondance ressemble à un grimoire, pense par toi-même, écoute pas toutes leurs réserves. Vanille peut mieux faire qui t'empêche de réaliser tes rêves. Petite dédicace à ceux qui ont voulu me voir périr, qui se disent doucement, j'ai construit mon empire. Faire les cours par correspondance? Si ça tenait qu'à moi, aucun de nous quitterait jamais la maison, mais c'est pas très sain, alors non. Pourquoi? Pourquoi?